France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 120. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 11 mai 2008, 11h05, bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es London Calling le 18 juin, tu es Rutabaga et Topinambour, tu es STO ou Système D, tu es Régime de Vichy ou Plat de Résistance, tu es Travail, Famille, Patrie, et tu es aussi... Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. J'ai dit Ausweis ! Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu sais que Radio Paris ment, tu es France occupée. Alors, jeudi dernier, le 8 mai, nous fêtions le 63e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie en 1945. Eh bien, pour participer à cette commémoration, la panique au Mangin Palace a donc décidé cette semaine, durant 53 minutes, de traiter un sujet facile, léger et non polémique, la France occupée. Et pour commencer notre voyage dans ce passé qui ne passe pas, de la Francisque à la Croix de la Libération, il faut revenir sur l'histoire de la mémoire de l'occupation. Ensuite, durant quelques minutes, nous plongerons au cœur de la France bien rance, la France moisie, la France de Vichy. Mais dans la foulée, grâce au trublion Pierre Desproges, nous découvrirons néanmoins que savoir choisir entre la collaboration et la résistance ne fut pas si simple. Et puis, nous te révélerons cet épisode curieux et méconnu de l'occupation lorsqu'en décembre 1942, les villageois de Grosboul-les-Bains ont vu débarquer les nazis sur leur territoire. Et enfin, nous retrouverons Monique et Jean-Claude qui portent eux aussi la mémoire collective de la France occupée, mais qui ont découvert cette semaine une mémoire personnelle et très particulière de ces années noires. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et en route pour la grande vadrouille. Let's go. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Bust it! Another One Bites the Dust, autrement dit, encore un qui mord la poussière, c'est ce que chantaient Freddie Mercury et ses Queens en 1980. Mais jette une oreille à ce qui va suivre, car c'est aussi ce que se dirent les trois résistants Marcel, Spartaco et Gilbert à Nantes le 20 octobre 1941. Les deux premiers officiers qu'on a rencontrés, c'était le chef de la commandanture avec son officier d'ordonnance. À ce moment-là, Spartaco m'a donné un coup de coude et j'ai vu effectivement deux officiers. On leur a emboîté le pas. Alors Spartaco avait un 7,65. Moi, j'avais pris deux 6,35. Et on est arrivé derrière eux. On a tiré. Et donc, j'ai entendu mon officier qui s'est mis à hurler. C'était épouvantable. Et puis, on a couru. On est allé jusqu'à une grande avenue. Et là, on a attrapé un tramway qui passait. On est monté. On a eu de justesse, hein. Alors, pourquoi choisir ce matin, parmi les nombreux actes de résistance, l'exécution du lieutenant-colonel allemand Karl Hotz à Nantes en 1941? Eh bien, tout simplement parce qu'à la suite de ce que les nazis considéraient être un attentat, 48 otages français furent fusillés en représailles. Et parmi ces otages se trouvait le jeune communiste Guy Moquet, placé bien malgré lui il y a quelques mois au cœur d'une polémique sur la mémoire et sur son utilisation politique. Ainsi, pour commencer cette émission consacrée à la France occupée, il est nécessaire de revenir durant quelques minutes sur l'évolution de la mémoire de la France de Vichy. À partir de l'été 1944, quand le territoire commence à être libéré, l'obsession majeure des Français, c'est avant tout reconstruire et revivre. Et oui, paradoxalement, dans l'immédiate après-guerre, le génocide n'est pas du tout au cœur des préoccupations. C'est une France majoritairement résistante qui s'affirme et chaque Français déclare avoir conservé durant toute l'occupation un esprit de partisan. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur l'a conservé dans son tiroir. Leur si belle, notre espoir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour. Elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge. Avec l'espoir elle a fleuri, c'est une fleur de Paris. Une fleur qui avait surtout fleuri à Londres ou dans le Vercors. Ainsi, dans l'après-guerre, après une épuration réalisée FISA, le mot d'ordre c'est « réconciliation ». D'ailleurs, cela ne choque personne qu'un Maurice Papon, par exemple, secrétaire général de la préfecture de la Gironde sous Vichy, reprennent du service pour la République. En revanche, ce qui choque, c'est quand Alain Resnais réalise en 1956 son film « Nuit et brouillard ». Quand le film est passé en commission de contrôle, la commission de contrôle a remarqué un plan qui dure, je crois, 5 secondes. Et c'est au moment où on évoque tous les camps de rassemblement, en somme, de déportés dans tous les pays du monde. Et on nomme notamment en France le camp de Pithiviers. Et on voyait donc vu d'un mirador des gens rassemblés dans des baraques et des barbelés. Mais sur le coin droit, il y avait l'ombre, je dis bien l'ombre, d'un gendarme français avec son képi. Je reconnais que je n'y avais pas fait attention. Il n'y avait aucune attention de ma part particulière, mais que la commission de contrôle a vu là quelque chose de très dangereux et qui était une offense à la police française et à la France elle-même. Enfin. Et oui, Le film Nuit et brouillard a connu la censure parce qu'il montrait furtivement un képi au camp de Pithiviers. Car parler des Français sous l'occupation dans les années 60, ça se fait à la sauce grande vadrouille. Pourtant, dans les 60s, avec le procès Eichmann par exemple, une nouvelle approche de la France occupée se manifeste. Les témoignages se multiplient, sans doute parce que la mémoire, jusqu'alors prise en charge par les communistes et les gaullistes, se libère peu à peu, et la génération qui arrive à l'âge de raison n'a pas connu la guerre, et elle cherche alors à comprendre ce que fut réellement l'occupation dans une petite ville française. Clermont-Ferrand, 134 000 habitants, chef-lieu du département du Puy-de-Dôme, capitale de l'Auvergne. 387 km de Paris, 59 km de Vichy, Vichy capitale de la France de 1940 à 1944. Tout près de là, la ville gauloise de Gergovie était la place forte de Vercingétorix vaincue par Jules César. Un père de famille parle à ses enfants d'une défaite plus récente. Est-ce qu'il y avait autre chose que le courage ? Ah, c'est sûr. Mais moi, personnellement, les deux sentiments, n'est-ce pas, qui m'ont été les plus fréquents, ça a été le chagrin et la pitié. Le chagrin et la pitié, c'est le choc. Réalisé en 1971, Marcel Ophuls montre que les Français sous l'occupation étaient loin d'être tous résistants et que l'attentisme côtoyait un pétainisme latent. D'ailleurs, cette révélation incroyable d'une France de Vichy qui aurait totalement suivi l'Allemagne nazie nous vient des États-Unis, analysée par l'historien Robert Paxton. Petit à petit, les langues se délient et au début des années 80, les générations et les hommes politiques ont changé. On peut se moquer de l'illusoire uniformité de la résistance de Papy. Je suis vraiment navré pour ce fâcheux incident. Je déteste les gens qui trahissent leur pays. Merci, général Punch. Spontz. General Spontz. Bien, je vais vous laisser. Wir brauchen so 500.000. Aber durch unsere fertige Verstärkung wurden wir 3.000, als wir am Hafen ankamen. Goethe! Nein. Corneille. Bravo, quel super général. Ainsi, dans les années 80, c'en est fini de l'image tronquée d'une France totalement résistante pendant l'occupation. Mais de là à reconnaître la responsabilité de la France, c'est plus compliqué. Monsieur le Président, ce qui a empoisonné ces derniers mois, ce n'est évidemment pas votre participation à la résistance, mais ce qui s'est passé avant et après. Vous allez me ressortir Bousquet, vous aussi. Il y a ceux qui commencent à dire que vous l'avez rencontré à Vichy en 1942 et pas en 1949. Continuez, je vous écoute. Mais en 1942, Bousquet négociait avec le chef nazi Heydrich les modalités de la rafle du Veldiv. Vous savez qui a pris l'initiative d'instaurer une journée de commémoration pour le Veldiv ? Qui a fait graver ce texte dans le marbre ? Je le connais par cœur. Persécution antisémite et crime contre l'humanité. Commis sous l'autorité de fait dite de gouvernement français. Oui, c'est moi qui ai rédigé ce texte. La communauté juive veut obtenir de moi des excuses de la France et de la République. Mais le gouvernement de Vichy, ce n'était pas la France. Et voilà toute la complexité de la question. Le régime de Vichy était-ce la France ? Et la France ? Était-ce De Gaulle ou Pétain en 1940 ? Parce que le cœur du problème, c'est sans doute une question de choix. Et une remarque en passant, ceux qui ont été confrontés à la difficulté du choix, comme François Mitterrand par exemple, savent que choisir, ce fut très difficile. Et d'ailleurs, le choix fait par les résistants en est d'autant plus héroïque. Mais avec l'avancée de l'historiographie de la mémoire des années noires, les responsabilités sont réévaluées. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. La France, patrie des Lumières, patrie des droits de l'homme, la France, terre d'accueil, terre d'asile. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Ainsi donc, en 1995, à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv, Jacques Chirac reconnaissait une faute collective de la France. Alors voilà, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la mémoire collective de la France a profondément évolué. Mais affirmer que peu de Français ont été résistants, c'est aussi souligner la grandeur de leur choix. Noir des corbeaux sur nos plaines. Quand on tue le chant lourd du pays qu'on enchaîne. Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Le chant des partisans, séquence frisson offerte par Germaine Sablon en 1944, car en effet, cette année-là, les forces nazies de la Germanie ont cessé de crier « Sablon le champagne !» Salut, chers libérateurs, vainqueurs du despotisme, salut à vous, honneur du genre humain. Alors maintenant, la clepsydre du Mangin Palace nous annonce qu'il est à présent 11h21 et après avoir redécouvert comment nous avons perçu l'occupation depuis la libération, il est temps désormais, durant quelques minutes, de nous intéresser à cette France moisie et toute pourrie que fut le gouvernement de Vichy. Oui mon ami, bienvenue au Französische Naziland. Après quelques mois d'une drôle de guerre, en juin 1940, l'armée française est en pleine débâcle devant les assauts de forces du Troisième Reich. Le 10 juin, le gouvernement de la République est en fuite et il s'installe à Tours, puis à Bordeaux trois jours plus tard. C'est l'affolement, l'armée nazie entre dans Paris et dans la foulée, le maréchal Pétain devient président du Conseil après la démission de Paul Reynaud. Le 17 juin, Pétain déclare alors à la radio qu'il fait don de sa personne à la France, pépère, et qu'il faut cesser le combat afin de collaborer avec les nazis. De Gaulle refuse et entre en résistance, mais dans un wagon à Retonde, celui-là même où fut signée la défaite de l'Allemagne. En 1918, la France signe un armistice humiliant. Le gouvernement prend ensuite ses quartiers à Vichy, en zone libre, et le 10 juillet, Pierre Laval fait voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui devient le chef de l'État français. Les réacs tiennent leur revanche sur cette gueuse de République et Pierre Laval, lui, trouve rapidement ses marques à Vichy. C'est que ça va beaucoup mieux, moi. Je commence à m'habituer au soleil, à l'organisation, tout. J'ai bouffé avec les Allemands. Ils sont vachement sympas, ces mecs-là. C'est marrant parce que moi, je parle pas du tout leur langue. J'ai passé une soirée formidable. Ils m'ont chanté des chants de la guerre à quatre voix. Il y a un courant qui est passé. Ça, c'est sûr. Le courant passe très bien entre les nazis et le gouvernement de Vichy. Tiens, prenons un petit exemple. Alors qu'Hitler n'a pas encore évoqué le sujet, Pétain, lui, dès le 18 octobre 1940, fait publier au journal officiel de la France moisie le statut des Juifs. Franchement, c'est à gerber. De son côté, Pierre Laval, lui, prépare son entrevue avec le Führer, prévue le 22 octobre. 4 heures, je cire mes bottes d'officier allemand SS que j'ai acheté aux puces, puis je me mets mon manteau de cuir noir avant de me rendre chez le tatoueur. 5 heures, il est exactement 5 heures pile, je rentre chez le tatoueur pour me faire faire un tatouage du Führer sur l'omoplate droite. La séance commence. Au bout de 5 minutes, les douleurs sont intenables. Je serre les dents sur le goulot de ma canette. Mais l'amour du Führer demande beaucoup d'abnégation. Tout d'un coup, horreur ! Horreur ! Je m'aperçois que la chaîne que le tatoueur porte à son poignet est gravée de son nom. Lévi ! Lévi ! J'ai du mal à contenir un cri de rage. Je suis torturé par un juif. J'ai mal. C'est long. Pourvu qu'il ne s'aperçoit pas de mon admiration pour les Allemands. Quelques jours plus tard, Hitler et Pétain prennent le thé à Montoire, où la collaboration avec les nazis s'officialise. Dans la foulée, le fascisme à la française accouche du commissariat général aux questions juives, confié à Xavier Vallat, qui se met à organiser en France une vie culturelle très particulière. Écoute bien ce son certifié d'époque. Mon cher ami, qu'est-ce que cette grande statue de plâtre que je vois au fond ? Eh bien, cette statue de plâtre a pour but tout d'abord de montrer les caractéristiques ariennes. Cette femme avec un enfant, c'est l'arienne, n'est-ce pas ? Oui, c'est l'arienne. La mère. La mère avec son enfant. Et puis au-dessous, voyez-vous, on voit le juif dominant le monde et essayant de dominer l'arien. C'est ça, ce juif qui est à ses pieds, avec le nez et la barbiche, en serrant dans ses mains un globe qui est sans doute le globe humain, le globe terrestre. Oui, tout simplement. Parfait. Parfait. Eh oui, être juif dans la France moisie, c'était formidable. Et puis avec l'application de sa révolution nationale, le maréchal devient alors un fiefé redresseur de l'ordre moral. Entre autres, apparaît la funeste Légion des volontaires français contre le bolchevisme, en gros les SS de Vichy, sous le joyeux patronage de Jacques Doriot, un gentil organisateur. Bonsoir, et je suis très honoré ce soir, car nous avons dans la salle la présence du maréchal von Ribbentrop, que je salue très bas au passage, ainsi que de nombreuses personnalités françaises. À ce propos, d'ailleurs, les nouvelles du front de l'Est sont meilleures. Vous m'envoyez ravi, monsieur le maréchal. Nous allons commencer par une petite chanson qui va nous mettre dans l'ambiance. Alors, tout de suite, maestro. Maréchal, nous voilà. Demande-moi le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'aimons, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, certes, mais les nazis ont un gros appétit et ils reprennent toujours une part de forêt noire. Traduction, en avril 1942, ils veulent une nouvelle ration de collaboration et ils interviennent pour que Pierre Laval prenne les rênes du pouvoir. Et en effet, dès son arrivée au pouvoir comme chef du gouvernement de Vichy, la France est encore plus moisie qu'avant, dis donc. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Enfilez vos bas noirs les gars, ajustez bien vos accroches bas, vos porte-jartelles et vos corsets. Allez venez, ça va se corser, on va danser le Nazi rock, Nazi rock, Nazi. J'ai toujours trop aimé mon pays pour me soucier d'être populaire. J'ai à remplir mon rôle de chef. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la paix future, vous devez me croire et me suivre. On va danser le Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. Là au moins c'est très clair. À partir de 1942, Pierre Laval embrasse le nazisme comme du bon pain, dont manquent d'ailleurs cruellement les Français puisqu'ils crèvent de faim malgré ce fantastique choix politique de la collaboration. Cela dit, attention, on dit Pierre Laval gros collabo. Oui, sauf que voilà, ce n'est pas si simple car Pierre Laval avait tout de même quelques principes. Être au service de l'Allemagne, soit, mais que l'Allemagne nous respecte. Il me semble que nous avons fait des efforts colossaux pour nettoyer le pays des juifs, des cocos, des terroristes. Maintenant, c'est à Hitler de renvoyer le monde charge. Absolument. Je serais même d'avis que nous levions nos verres à une France propre, rayonnante, à la révolution nationale magnifiquement incarnée par le maréchal. Vive la France ! Ah ben oui, pour celles et ceux qui se poseraient encore la question, l'illégitime gouvernement de Vichy était clairement fasciste. Mais alors me diras-tu, comment expliquer la passivité d'une majeure partie de nos compatriotes de l'époque devant une telle violence idéologique ? Eh bien, nous allons constater, grâce au génialissime Desproges, qu'aujourd'hui il est facile de pointer du doigt, mais qu'en 1940, le choix n'était pas si simple. Résultat, ni collabo ni résistant, la majorité des Français a choisi d'attendre. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Tout au cours de mon existence, j'ai été maintes fois confronté à des choix terribles. Songez que j'avais 35 ans en 1940. Ouais, je sais, je ne les fais pas. Eh bien, il faut bien voir qu'en une période ennuyeuse comme l'était celle de l'occupation, la seule distraction qui se présentait aux Français au sortir de la messe, c'était de faire ou de la résistance ou de la collaboration. Mais là encore, que choisir ? Alors bien sûr, la collaboration, c'était la respectabilité, le costume croisé, un prie-Dieu réservé à Saint-Honoré des Laux, les amitiés de Pierre Laval assurées, les indulgences de Pie XII également, et puis bien sûr des places de faveur au concert de Tino Rossi et de Maurice Chevalier. Ah oui, mais la résistance, c'était la vie au grand air, Yukaidi, Yukaida. Ah oui, mais la collaboration, c'était la possibilité d'apprendre une jolie langue étrangère à peu de frais. Ah oui, mais dans la résistance, on se cultivait pas, mais on rigolait bien quand même, hein. Et boum, le train, et boum, la voie ferrée. Et le petit viaduc. Ouais, je l'ai eu. Oui, mais dans la collaboration, on ne faisait pas sauter les ponts, mais on pouvait sauter les connes. Oui, mais dans la collaboration, pour bien gagner sa vie, fallait dénoncer les Juifs. C'est pas très joli comme méthode pour gagner sa vie. Non, mais dans la résistance, on dénonçait pas les Juifs, mais fallait vivre avec. Enfin bref, à force de tergiverser, j'avais toujours pas pris de décision le 25 août 44. Quand j'ai vu soudain des centaines de chars débouler du fond de la rue de Rivoli, à Paris. Et croyez-moi, je me rappelle très bien ce matin-là. Le fracas des chaînes des tanks faisait trembler la poussière. Une jeune inconnue s'est approchée de moi. Elle était belle et blonde, au regard bleu. « Monsieur, monsieur », s'est-elle écriée en me pressant le bras avec des larmes de joie dans les yeux. « Monsieur, regardez, regardez, c'est l'armée française, la vraie, les forces françaises libres. Votre pays est libéré, monsieur. » Pourquoi dites-vous « votre pays » ? Bon, c'est que moi-même, monsieur, je ne suis pas française. Je suis citoyenne helvétique de Berne. Elle avait en effet un assez fort accent germanique. J'ai juste eu le temps de la tondre, les FFI arrivaient. Just the one who cares. Whistle, siffler, c'est ce que nous propose pour le printemps le duo Sporto-Cantes. C'est d'ailleurs ce qu'auraient déclaré à la Libération les résistants du réseau FTP Moy, originaire de Lisbonne. Eh ben alors, Sporto, quand est-ce qu'on le voit, bon sang ? Alors maintenant, afin de prolonger notre immersion au cœur de la France sous l'occupation, il est temps désormais à 11h35 de te dévoiler cet épisode étrange et totalement méconnu survenu le 2 décembre 1942 à Grosboul-les-Bains. La veille, le 1er décembre, deux résistants du réseau Apple Pie venaient de se faire coincer en forêt par une patrouille allemande. Les deux hommes étaient alors escortés en direction du village afin d'être interrogés à la commandanture de Grosboul. Mais, visiblement, les deux résistants capturés ne semblaient pas du tout s'inquiéter de leur sort. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon, fait bon, fait bon. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon dormir. Tiens, faut que j'aille cuisser. Tous les oiseaux du monde viennent vers leur... Groupir ! Il faut reste groupir ! Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit groupir. Ça veut dire ensemble, il veut qu'on reste ensemble. Groupir. Ah, groupir, ça veut dire ensemble ? Ah ben tu vois, je suis déjà un mot. Ouais. Groupir, yaya. Groupir, va comprir. Au moment même de l'arrestation de ces deux curieux résistants, à Grosboul-les-Bains, les soldats allemands qui venaient à peine de franchir la ligne de démarcation prenaient possession des lieux. Et le premier contact entre les Grosboulais et les forces d'occupation n'ont pas été très simple. Voulez-vous venir by the bitte? Vas-y, Stas! Des topinambours, c'est évident. C'est du tabac! Vous me prenez pour un idiot? C'est interdit! Verboten! J'en vends pas, c'est personnel. Scheiße Franzosen! Verflucht! Que se passe-t-il encore, Klugli? Ah, général, vous tombez bien. Monsieur Gluck est en train de piétiner mes plates-bandes. Es ist Tabak, Herr General! Assez de sel, imbécile! Va fumer dans la cour, gleich! Oui, vous l'avez énervé avec les responsabilités qu'il a. Vous êtes pas fins, vous les Allemands, hein? Le lieutenant allemand, vexé par ce résident rebelle de Grosboul, décide alors de passer au peigne fin tout le village. Il se pointe notamment à la bibliothèque municipale pour s'assurer que la liste des livres interdits par le Troisième Reich est bien respectée ici aussi. Devant l'officier allemand, le bibliothécaire de Grosboul s'exécute et lui montre immédiatement ses bouquins. La montagne magique de Thomas Mann. Verboten. Interdit en Allemagne ce livre est. Et Zola, il est verboten aussi? Bien, Zola, aussi verboten. Brecht. Verboten. Hemingway. Verboten. Freud. Verboten. Hitler. Verboten. Nein, das ist mein Kampf. Juif, vous avez l'air. Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début. Was? On dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. Décidément, ce petit village de France ne manque pas d'arrogance, se dit l'officier allemand. Quand tout à coup, arrivent sur la place du marché, rebaptisée Mein Kampfplatz, les deux résistants arrêtés du réseau Apple Pie. Le lieutenant de la Wehrmacht s'approche des deux lascars et leur demande pour quelle raison ils ont été faits prisonniers. Le plus grand d'entre eux lui répond qu'il ne comprend pas justement. Ils étaient tranquillement en forêt et ils chantaient tout simplement. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, bien vite. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, crois-moi. Pourquoi te cramponner? Le Reich est bien malade. Maintenant ça te tombe dessus. C'est toi qui l'as voulu. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, bien vite. Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, Hitler, débine-toi, crois-moi. Scheiße, là ça suffit, ordonne l'officier allemand. Qu'est-ce que c'est que ce village de Guignol? Et les deux résistants sont immédiatement placés en détention à la commandanture. Leur interrogatoire ne peut avoir lieu dans la foulée puisque Grosboul-les-Bains attendait une visite très importante le 2 décembre 1942, relayée le lendemain par les actualités de Vichy. Aucun des témoins n'oubliera cette image étonnante du plus grand des Français passant dans la lumière dorée des sous-bois séculaires au cœur même de la France, hier, marchant très simplement parmi les bûcherons sur le sol ancestral, boueux, ouaté, fécond, sur le profond tapis des feuilles mortes qui feront la terre de demain, la riche terre de la forêt française. Une haie d'honneur accueille le maréchal, Cependant que les trompes de chasse retentissent, cependant que nous apercevons les villageois accourus à bicyclette ou à pied des communes voisines et qui acclament le maréchal. Le régiment allemand en poste à Grosboul fut tout de même rassuré de constater qu'il y avait tout de même ici d'excellents Français favorables au maréchal Pétain, allié du Führer. Oui, enfin, jusqu'à ce que Pétain soit accueilli par une délégation d'ouvrières du textile qui avait soigneusement préparé l'arrivée du maréchal. Maréchal, nous sommes là pour demander ton indulgence, car comme le dit Isarni, c'était toi la vraie résistance. C'est ça qu'on n'avait pas compris. C'est vrai qu'on s'en serait pas douté, que maréchal tu résistais, quand de Montoir tu nous disais, Français, il faut collaborer. Quand t'envoyais ta LVF combattre l'armée des soviets, alors qu'on pensait bêtement, c'est peut-être pas le moment. Maréchal, maréchal, nous revoilà, nous revoilà. Évidemment, la propagande de l'information vichiste a rapidement effacé ce petit incident. L'ouvrière, quant à elle, aurait malencontreusement disparu les jours suivants. Mais ce n'est pas tout, loin s'en faut. Ce qui ne fut jamais rapporté par les actualités vichistes, ce fut l'altercation entre Pétain et les deux curieux résistants qui, libérés de la commande en tour le matin même, réservèrent une drôle de surprise au maréchal. Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de Fauchetons, la brochette de sacrés cochons, de Paul Marion, à de Brinon, d'Arnan, d'Oriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain. Y a-t-il des salauds parmi nous ? Tous, tous, tous ! Traîne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin, il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain. La milice pétainiste folle furieuse tenta d'arrêter à nouveau ces deux résistants du réseau Apple Pie qui se faufilèrent dans la foule, non sans avoir pris le temps d'une ultime pichenette à la face du foutu maréchal. Victime d'attentat pâtissier, qu'est-ce qu'il nous a fait marrer quand il a voulu se révolter avec ses petits poings crispés l'entarté. Et oui, ce fut le trop ignoré attentat de Grosboul, une grosse tarte à la crème sur la tronche du foutu maréchal avec son képi de capot en berne. Le soir même, les deux lascars ont pu rejoindre leur maquis et autour du feu, ils ont raconté leurs faits d'armes à leurs camarades partisans zilards. Et puis, le plus âgé d'entre eux a tenté d'expliquer aux plus jeunes les raisons de leur combat contre l'occupant. République, c'est un nom qui sonne très bien. Ça veut dire qu'on peut vivre libre, dire ce qu'on veut. Allez venir où on veut, boire en prendre une cuite si ça vous chante. Il y a des mots qui vous font de l'effet. République est un de ces mots qui me donne des picotements dans les yeux. Un serrement de gorge comme lorsqu'un homme voit son premier nez commencer à marcher. Quand la barbe lui pousse sans hardir à prendre le vieux rasoir de son père. Ces mots-là, quand on les prononce, ça vous réchauffe le cœur. République est un de ces mots. Oui, la restauration de la République française fut tout le sens du combat du Comité national de la Résistance et y compris pour le réseau Apple Pie de Grosboul-les-Bains. Car la République, c'est la liberté que cette jeunesse résistante cherchait à arracher aux griffes de l'occupant nazi et de ses collabos français qui l'avaient confisquée. Les résistants se sont battus pour retrouver les bras de cette liberté afin de vivre avec elle des heures folles et enivrantes. Je voudrais faire l'amour avec toi, je voudrais m'en mêler dans tes bras, je voudrais me saouler à ta joie, je voudrais faire la paix avec moi, je voudrais faire l'amour avec toi. Seulement voilà, toi t'es pas là, alors je me dis je vais faire comme ça. Moi j'ai qu'à faire l'amour sans toi, et j'ai seul amour dans la rue, j'ai seul amour avec la vue, j'ai seul amour avec les mots. Pour le vieux monsieur des journaux, on dirait qu'il me comprend pas. Il me rend ma monnaie comme ça, on dirait qu'on n'existe pas. Et monsieur, regardez, c'est moi. Je voudrais faire l'amour avec toi, je voudrais m'en mêler dans tes bras, je voudrais me saouler à ta joie, Je voudrais faire la paix avec moi, je voudrais faire l'amour avec toi. Seulement voilà, toi t'es pas là, alors je me dis je vais faire comme ça. Moi j'ai qu'à faire l'amour sans toi. Et je fais l'amour dans la rue, je fais l'amour avec la vue, je fais l'amour avec les mots. Pour les arbres et pour les oiseaux, on dirait qu'ils me comprennent eux. On dirait qu'ils répondent un peu, on dirait qu'on va où on veut. Et t'as vu comme le ciel est bleu, bleu, bleu. Je fais l'amour dans la rue, je fais l'amour avec la vue, je fais l'amour avec les mots pour les arbres et pour les oiseaux. Et puis même quand il y a de l'orage, quand c'est tout gris qu'on a la rage, et même quand partout il pleut, moi je crois qu'on est où on veut. L'amour dans la rue, c'est ce que chante l'Helvète Nicolas Michel, connu sous le nom de guerre de K. Parce que, comme ce fut le cas entre 1940 et 1944, beaucoup de Français ont été contraints de placer leur amour dans la rue Tabaga. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous entrons en gare de Vichy, Vichy, Émilie Doré. Alors maintenant, à 11h45, et toujours en direct du Morgin Palace, il est grand temps de retrouver nos deux compagnons de la Libération, ou du Figaroscope, à savoir Monique et Jean-Claude, bien sûr. En effet, cette semaine, face à l'augmentation du coût de la vie, Monique a pris une grande décision. Elle a fait venir à la maison ses parents, Yvonne et Alphonse, qui ont connu la guerre et qui vont pouvoir lui donner quelques petits conseils de rationnement. Yvonne explique notamment à sa fille comment se teindre les jambes pour faire croire qu'elle porte des collants. Et Alphonse, lui, explique à Jean-Claude comment installer un gazogène sur une traction avant, hyper utile. Ensuite, pour nourrir toute la smala, Alphonse fait fi des sentiments et transforme en sublime civet berlingot le lapin nain de Rémi. Tu l'aimes vraiment tant que ça, le lapin ? Arrête, papa. Laisse-le manger tranquillement, cet enfant, pour une fois qu'il a quelque chose dans son assiette. Il n'y a pas des légumes en ville ? Si, des topinambours, des rutabagas, comme pour les cochons. C'est ma faute, à moi, si c'est la guerre. Mais encore moins de la sienne, papa, alors laisse-le manger tranquillement. Ceux qui c'est la faute, on n'y voit jamais. Ils sont planqués à Londres, d'ailleurs, tu sais. Ils souffrent pas des restrictions, eux, hein. C'est toujours les petits qui trinquent. Et d'ailleurs, Alphonse, le père de Monique, trinque à nouveau pour oublier cette période difficile de la guerre. Rémi profite alors de la situation pour questionner son grand-père. Était-il plutôt résistant ou plutôt collabo pendant la guerre ? Alphonse réagit immédiatement en expliquant qu'il a réalisé, au péril de sa vie, de grands actes de résistance. Bon, eh ben, au début, on les appelait les Fritz, puis les Fridolin, puis après, on les appelait les Frisés, les Frisous, les Doriforts, les Verts de Gris. Puis, je sais pas, l'imagination populaire était très fertile, quoi. Tous les jours, on leur trouvait un nom nouveau. Ouais. Rémi se dit que, tout de même, il espérait mieux comme acte de résistance de la part de son pépé Alphonse, qui lui rétorque immédiatement que ce n'était pas si simple parce que... Les loups, oh, oh, les loups ont envahi Paris. Soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi Paris. Cessez de rire, charmant et luire. Les loups ont envahi Paris. Rémi demande alors à son grand-père comment il se débrouillait pendant l'occupation. Est-ce qu'il écoutait la BBC ? Est-ce qu'il participait au marché noir, par exemple ? Sur ce point, Alphonse esquive la question et se souvient surtout qu'il avait de bons amis. Mais dis donc, ça a dû vous coûter les yeux de la tête, tout ça, au marché noir ? Enfin, oui et non. Parce... Il a eu par sa femme, hein, Pitivier ? Enfin, oui... Oui, mais expliquez en venant que sa femme, elle travaille à la commandanture dans son bled. Alors forcément, avec les officiers allemands, tout ça, elle peut... Hein, hein Pitivier ? Oui, forcément, parce que... Bon, ben je vais m'en recouper deux tranches. Rémi, toujours très intrigué par ses témoins vivants de l'occupation, demande alors à sa grand-mère Yvonne comment elle a rencontré son grand-père. Yvonne explique à son petit-fils qu'avant de rencontrer Pépé, en juin 1944, elle avait flirté dans la belle Normandie avec un soldat venu de loin. Rémi se prend soudain à rêver de ce soldat de la liberté. Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. Quand on m'a parachuté sur un village français, La guerre, Jeannette, je te l'ai raconté. Mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs. Bon, Yvonne, un peu gênée, explique que c'était bien en Normandie. Mais bon, son amoureux, là, c'était tout autre chose. Un jour, peut-être, je l'espère, l'Europe ne fera qu'un pays. Il n'y aura plus de frontières, de la Bretagne à la Russie. Avec ma femme et mes deux filles, j'irai m'installer à Cabourg. Car j'aime tant la Normandie, c'est un pays où je reviens toujours. Mais comment cela est-il possible, se demande Rémi. Alors Alphonse, les yeux pétillants comme au premier jour, explique à Rémi que c'est à l'été 1944 qu'il a vu pour la première fois cette femme sublime. Elle s'était faite bouffer les cheveux comme une petite fille gentille. Elle s'était faite bouffer les cheveux en 6 ans, ça m'ira beaucoup mieux. Car les femmes sont comme les messieurs pour suivre la mode, comme Rémi est sidéré de ce que lui confie son grand-père, à tel point qu'Alphonse se sent obligé de donner quelques explications supplémentaires. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière. En me voyant partir, arborant mon toupet, arborant mon toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect, m'ont pris pour un suspect. Et oui, à la Libération, Alphonse n'a jamais vraiment supporté cet exutoire viril contre des femmes qui d'ailleurs avaient déjà été réduites au rôle de mère de foyer sous le régime de Vichy. Mais ce discours, ça fait bien marrer le Jean-Claude. En 40, c'était la fête à vos nanas qui confondaient guerre et java. En 40, ça tombait de tous les côtés, y'avait pas que les trains qui sautaient. En 40, vous soyez vainqueur ou vaincu, vous étiez sûr d'être cocu en 40. Eh oh, du calme, répond Alphonse à Jean-Claude. La période de l'occupation, c'était bien assez difficile pour ne pas subir aujourd'hui les critiques des petits genoux, parce que... Et si j'étais né en 17 à Leidenstadt, sous les ruines d'un champ de bataille, aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand? Et c'est d'ailleurs sur ces mots que Jean-Claude se dit que décidément, la mémoire c'est une chose, mais l'histoire en est une autre, et qu'il est toujours terrifiant de vouloir créer un homme nouveau, puisque... Jusqu'ici sur Terre, un homme pouvait être blanc ou noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître. C'est les azous, c'est les azous. Vocal qui monte jusqu'aux amygdales, avec un veston qui descend jusqu'aux genoux, les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale. Voilà le zazou, voilà le zazou. Il y a des zazous dans mon quartier, moi je le suis déjà à moitié. À votre tour, âme de séjour, vous serez tous zazous comme nous, car le zazou c'est contagieux. Ça commence par un tremblement qui vous prend soudain brusquement, et puis en plus des hurlements. Ouah, des dizzy, des doigts.